Le vin me saoule, donne-moi la main. Mes bras s'enroulent, retour de terrain. Le vin m'emporte vers d'autres chemins. Ferme la porte, l'amour nous va bien. Le vin me brûle, je perds la raison. Le temps recule, il fuit la maison. Le temps s'évade, il reste tes yeux. Le temps s'attarde, rien que pour nous deux. On a toute la nuit, et tant que tu voudras, la moitié de la vie pour s'aimer, toi et moi. Je m'appelle soleil, tu t'appelles l'oiseau. Tu nages dans le ciel, je te brûle la peau. Le vin me saoule, donne-moi la main. Mes bras s'enroulent, retour de terrain. Le vin m'emporte vers d'autres chemins. Ferme la porte, l'amour nous va bien. Et dans notre prison, faite de cris de joie, il n'y a plus de saison, plus de peur, plus de froid. Et dans notre désert, où tout n'est que soleil, il n'y a qu'un été.